imaginer un monde sans musique où nul ne peut chanter. Fini les romances, rien que du silence. Oh là là, musique amb Rafael Corbí. El programa que us ha acompanyat amb aquesta temporada des de Palafrugell per tots vosaltres a través d'aquestes zones i que ens ha conduït al bo i millor de la música en francès, de l'actualitat, del record, de totes les generacions. No ens hem tallat mai de les més modernes a les més antigues, des del pop, des de la varietat musical francesa, cap a altres estils, la música romàntica. Hem passat per diversos països, ens hem centrat també no només a França, sinó a altres països europeus de parla francesa, però també a l'altre costat, a l'Amèrica del Nord, amb el Quebec o a Àfrica, on hi ha moltíssims artistes. Una temporada més, doncs, que arriba al seu final de la Music, uns dies de pausa, en el qual escoltareu programes nostres, també, dels que us hem portat, perquè si els us heu perdut alguna vegada, doncs els podeu tornar a tenir per escoltar-los. Hola, la Music, amb Rafael Corbí, obre les seves portes avui amb un programa eminentment amb artistes variats i amb música molt variada. Comencem amb Sheila. Eminem Moi és una cançó d'aquesta artista francesa, el seu nom és Annie Chanzel, i ens porta aquesta cançó, nascuda a Créchel el 1945, des del 1996. Time.

chanter. Pleure donc pas comme ça. Ça fait pleurer le bon Dieu, là là. Ça fait pleurer le bon Dieu. Pleure donc pas comme ça. Ça fait pleurer le bon Dieu, là là. Ça fait pleurer le bon Dieu. Pleure donc pas comme ça. À ta place, j'abandonnerai la pose, le masque. Une minute, tu sais, le temps passe. Dis-moi que tu m'aimes. Sur la place, c'est pas tout à fait Montréal, mais y a de la neige au Palais Royal. Dis-moi que si même tu hésites encore, regarde le décor. Le soir descend et nos regards s'éclairent. L'hiver très tôt allume ses lumières. Et les jardins témoignent un vent lointain d'un amour qui commence à. Avant toi, mon cœur battait au ralenti, à faire semblant, à faire comme si, pour y croire quand même. Je sens, je sais que c'est le moment ou jamais, quand la nuit tourne au gris bleuté. T'en rêver des manèges arrêtés, ça me rappelle quelque chose. Le soir descend et nos regards s'éclairent. L'hiver très tôt allume ses lumières. Et nos sourires échangent un vol lointain d'un amour qui commence à se faire. Oh. Un gran artista que també ens acompanyava amb el programa d'avui, repassant aquests en diferents estils, molt romàntic, eh? Palais Royal, el fill d'un futbolista dels Girondins de Burceos, en Pascal Obispo, que ens acompanyava amb aquesta cançó. Canviem, veu femenina, és en aquest cas amb Lila Rock, amb Papa. Le même refrain qui s'étale comme un pauvre sort. On ramasse les coups maintenant qu'il est trop tard. N'en faudrait pas non plus reprendre le dessus, plaider mes idéaux pour qu'ils me comprennent enfin comme une balle lancée par-dessus bord. On s'arrache les mots pour gagner la victoire. On ne va pas continuer la guerre pour trouver le perdant. Je lance les armes par terre avant les blessures au sang. Une vie qu'on ne voit pas de la même façon. Si l'on s'égare pour quelques bricoles, on aura beau s'aimer, mais c'est la haine qui gagnera. Et la colère encore se mêle dans le décor. Après tant de chamailles, elle y sera pour de bon. Un peu trop tard, on perd la boussole. On se demandera à qui le trophée cette fois. Frémissant du manque de mots, une douleur se fige, sans pouvoir raconter, une hier lui échappe. Je rêve d'un seul récit qui dicterait sans faute une vie vécue. Pas vois pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me parles pas. Tu ne sais pas mes légendes. Tu ne connais pas mon histoire. N'attends pas que je me fâche, telle une tornade. N'attends pas que je me libère de mes chaînes. Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas. Tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me parles pas. Tu m'appelles montagnère, tu m'appelles cri, tu m'appelles tête de boule, tu m'appelles. Tu ne me connais pas. Diu Alexandra Belliard, Je suis que tu sais, és una de les seves cançons canviant de ritme, d'estil. Ja l'hem tingut entre nosaltres en algun espai del Hola la Música, aquest personatge, aquest raper, productor, compositor, cantant, nascut a Kinshasa, al Congo, anteriorment al Zaire, el 86, que va anar cap a França quan tenia 2 anys d'edat. Maître Gims és el seu nom, Ganji Yuna, és l'original. Si el sé pronunciar bé, tampoc ho sé en francès, però encara molt menys en congolès. Ens porta la cançó Bonita, des del seu àlbum de 2018. Fais-moi confiance, je sais de quoi je te parle. Je surveille tes arrières. Je suis là, mais tu te doutes de rien. Pourquoi tu changes de pièce? Ma présence te gêne. Je suis comme pris au piège. Je t'ai vu disparaître comme dans un rêve. Quelque chose ne va pas. Je le vois dans tes yeux, j'y peux rien. Je te vois seul dans le coin. Qu'est-ce qui te fait peur à ce point? Mirame bonita, regarde-moi, mirame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Mirame bonita, regarde-moi, mirame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Tu ne peux vivre sans moi, bonita. Tu ne peux vivre sans moi, bonita. Bonita, tu ne peux vivre sans moi. Dans mes bras tu te tiens, disparu bien avant que je puisse compter jusqu'à 5. Pourquoi tu changes de pièce? Ma présence te gêne. De l'amour à la haine, ces deux choses vont de pair. Un sentiment le plus sincère, mais je te vois dans le coin. Qu'est-ce qui te fait peur à ce point? Mirame bonita, regarde-moi, mirame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Mirame bonita, regarde-moi, mirame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Tu ne peux vivre sans moi, bonita. Tu ne peux vivre sans moi, bonita. Bonita, tu ne peux vivre sans moi. Je sais que tu m'évites, je ne vois plus la flamme qui brillait autrefois. Regarde-moi car j'ai posé mon cœur dans tes mains.

Je pars comme ça. Tu sais. Així gaudint de la música a través del nostre espai, i així us la portem. En primer lloc, aquella cantant, jove intèrpret, anomenada Elsa, nascuda el 1973, jove com va cantar aquesta cançó, el millor de les cançons en francès, Rien que pour cause, seria una cançó que aquesta cantant francesa d'origen italià, neboda de la cantant Marlène Jobert, ens va portar. La femme de ta vie, als 12 anys, va cantar amb aquesta pel·lícula, Te va pas, el 1986, allà va debutar, però després moltes més cançons l'han acompanyat, i escoltàvem el tema que ens aportava François Feldman i Jonis Jemison des del 1989, jugant dels èxits també de la música francesa que estem escoltant amb aquest darrer programa de la tercera temporada de l'Ala Music, de la segona temporada de l'Ala Music. La tercera és la que hem de començar encara ben aviat al vostre costat. Segueixes al meu costat, a Rafael Corbí, a l'Ala Music, la música en francès és Marie Yves amb Parle-moi d'amour. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit. En

Lliscant cap al final del nostre espai, cap als darrers minuts de Olala Music per al programa especial d'avui, en el qual hem decidit que la música sigui la protagonista. La orquestra que escoltàvem, l'orquestra Du Splendid, era amb una cançó que portava el nom de Macao i que va triomfar a l'antologia de la cançó francesa el 1992. Abans havíem escoltat Geoffrey Sands amb L'Orage i ara l'Uzó El L'Enfant és una cançó de Marie Myriam. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour bien remonté Doncs família, fins aquí hem arribat. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Hem escoltat les arrels de la música de Marie Myriam, la cantant nascuda a Braga, Portugal, el 1957, i també amb ascendències caribenyes la música de Marilyn, que també s'anomenava Marilyn Marlani, o d'altres noms ha tingut, Marilyn Magó també. Amb Ualea. Amb Lenny Escudero posem punt i final amb el programa i amb aquesta temporada de Hola la Music, que ben aviat tornarà a ser amb vosaltres. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat un plaer immens acompanyar-vos durant aquesta temporada i us espero doncs, a partir del proper dia ja amb també programes que recordarem d'Hola la Music. Adéu-siau. Amour, vous n'êtes morte que lorsqu'on vous oublie. Tu peux bien me quitter en te disant qu'un jour tu pourras oublier tes anciennes amours. Tu ne peux empêcher cela, quoi qu'il advienne, qu'un jour ils me souviennent que tu as su m'aimer. Passe les jours et les semaines. Les regrets et les peines. Peut-être un autre amour te fera oublier, mais pour dire toujours, peut-être qu'un regret caché dans ta mémoire viendra au moindre appel pour t'empêcher de croire à l'amour éternel. Quand on n'est plus aimé, il reste le chagrin. Quand on cesse d'aimer, il ne reste plus rien. Ah, que vienne le jour qui me délivre, car on ne peut pas vivre sans donner son amour. Passe les jours et les semaines. Reste les regrets et quand on cesse d'être aimé, on finit de mourir. Quand on cesse d'aimer, amour, oh mes amours, à tout jamais enfui. Amour, vous n'êtes morte que lorsqu'on vous oublie. Tu peux bien me quitter en te disant qu'un jour tu pourras oublier tes anciennes amours. Tu ne peux empêcher cela, quoi qu'il advienne, qu'un jour ils me souviennent que tu as su m'aimer.